accepté par erreur ton invitation. Il a sorti le beurre et m'en a tartiné le fion. Du côté de Suresnes, les coteaux Dijon aiment, c'est mieux que les cachalots, c'est un truc de clodo. Allô, c'est des conneries. Non, c'est bien. Je tiens à préciser que si vous recommencez, ben, la semaine prochaine, il n'y aura rien. Ça, ça fait rire, mais pas moi. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai accepté par erreur ton invitation. Il a sorti le beurre et m'en a tartiné le fion. Ce soir à la loco, c'est le roi des oraux. C'est pas un mec sympa, il encule à tout va. Elle a ni queue ni tête. Oh, oh, s'il vous plaît, vous vous calmez ou sinon vous allez tous dégager. Pour Sandy, on te le dédie pour toi ce morceau. Stay in the lava. Les Bee Gees. Non, ça, c'est pas mal. J'ai accepté par erreur ton invitation. Il a sorti le beurre et m'en a tartiné le fion. Ce soir à la loco, c'est le roi des oboes. C'est pas un mec sympa, il encule à tout va. J'ai accepté.